Il est caché, le... avez vu le pic où il est ou pas? J'arrive pas trop. Mais oui, j'ai fait le tour. Il y en avait deux tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ça sonnait dans les deux, c'est ça. Le petit paradis n'est pas une petite fille qui peut se faire partir là. Da sola.